rap et s'écrit. Sous l'influence du ghetto meurtri par l'homicide et la violence de leur génocide. Socialement placé dans la cible, droit à l'insigne, destiné à l'assignation. Nos frères que les racines ont rendu fiers en terrain raciste. Existe, persiste, comme à l'époque de l'empire perse. Trafiquent leur putain de lexique pour nous plonger dans la dyslexie. Sur la gâchette, l'index est flexible comme le temps qui nous est prescrit. La victoire nous est prédite, l'état nous discrédite. L'avenir s'écrit au fusil, le crime procure le plaisir. Viens faire un tour dans les entrailles de nos vies. Négro, je pilote au bord de la caravane de mon pote Eddie. Plus rien à foutre de créer l'inédit. Ils veulent nous tuer à la Kennedy. Quête, j'ai le pédigré trop proche de celui du Mehdi. Alors parfois je médite, entraîne mon corps d'élite. Mon feu détresse, nos fils sont bordélites. On vit dans les bas-fonds. Dans les entrailles du monde, on est parqués comme des monstres dans les cités françaises. C'est pas un hasard si on veut arracher la cuillère d'argent, braquer la chance dans les cités françaises. Imagine Marianne porter le foulard des blancs pauvres, c'est la Roumanie dans les cités françaises. C'est crime, drogue et sec jusqu'à la victoire, l'ambiance est machiavélique dans les cités françaises. On pilote en sous-marin, une carrière dans l'ombre, dans une cave issue d'un peuple qui a tellement subi mal. On navigue, ouais, avec des piranhas car on va mal ici. Tricolore et la maladie, j'suis comme moi Médali. J'refuse de faire la guerre aux pauvres, négro, j'suis blanc, black de peau. Ils ont scalpé les Indiens, pillé l'Afrique, bombardé les Irakiens, fuck les États-Unis. Que Dieu leur pardonne, ils savent très bien ce qu'ils font, nous ont baisé la gueule, nous laissent crever à petit feu. La vie c'est pas Bill Cosby, Arnold et Willy. C'est Boys in the Hood, la haine ou Jack City. On se laisse pas faire, on a les mêmes armes. Renoir, c'est les émeutes, Los Angeles à Clichy sous bois. On a les mêmes ghettos, les mêmes gueules de pauvres, les mêmes problèmes pour nos chaînes, les mêmes si à métaux. On vit dans les bas-fonds. Dans les entrailles du monde, on est parqués comme des monstres dans les cités françaises. C'est pas un hasard si on veut arracher la cuillère d'argent, braquer la chance dans les cités françaises. Imagine Marianne porter le foulard des blancs pauvres, c'est la Roumanie dans les cités françaises. C'est crime, drogue et sec jusqu'à la victoire, l'ambiance est machiavélique dans les cités françaises. On vit dans les bas-fonds. Dans les cités françaises, on vit dans les bas-fonds. Dans les cités françaises, on vit dans les bas-fonds. Dans les entrailles du monde, on est parqués comme des monstres dans les cités françaises. C'est pas un hasard si on veut arracher la cuillère d'argent, braquer la chance dans les cités françaises. Imagine Marianne porter le foulard des blancs pauvres, c'est la Roumanie dans les cités françaises. C'est crime, drogue et sec jusqu'à la victoire, l'ambiance est machiavélique dans les cités françaises.